Alors j'ai pris ma plus belle tenue. Permission de minuit, rancard sur la tenue. Avec ma besta, avec ma bestouille. On nous propose des le faux, eh oh, eh oh. Avec elle, tout me paraît naturel. Avec elle, il n'y a rien d'artificiel. Je sais tout d'elle et elle sait tout de moi. De moi, ah, ah. Trop fort.